voilà, c'est Mike Oval qui revient jouer. Score. La croyance populaire doit à tout prix quitter cette terre. Laissez-moi vous raconter une histoire qui traite de la médecine à Madagascar. Et Africa aux allures paradisiaques, ça cache une culture qui laisse à désirer. Les détraqués, on les attache sous prétexte qu'ils sont possédés. Petit rhizomatia, petit, venu au monde avec sa tendance à teuter. Petit rhizomatia, petit, tu te rends compte, t'as une chaîne au bout de ton pied. Une gamelle pour la merde, un seau pour le vomi, un décor superbe avec des murs décrépits. Putain d'hygiène, ça me gère. Ils ont trop de la veine, paye ton HP. Petit rhizomatia, petit, venu au monde avec sa tendance à teuter. Petit rhizomatia, petit, comment tu te rends compte, t'as une chaîne au bout de ton pied. Y'a pas assez de sous pour payer les hôpitaux. Se fait soigner par la pharmacie Cato. Des noirs vêtus de blanc, ils appellent ça des bergers. Sinistre les fous afin de les exorciser. Les trisomiques, les muets, les gens qui entendent des voix, les alcoolos, dépressifs, tous ils y ont droit. Remarque quand même un net progrès au Moyen-Âge. On les brûle sur un bûcher. T'as beau être enfant, ils t'enferment quand même. T'as beau avoir 5 ans, ils t'enferment quand même. Ils te maltraitent en t'attrapant par le front. Encore une connerie, quelle la religion. Petit rhizomatia, petit, venu au monde avec sa tendance à teuter. Petit rhizomatia, petit, comment tu te rends compte, t'as une chaîne au bout de ton pied. Avec sa tendance à teuter. Petit rhizomatia, petit, comment tu te rends compte, t'as une chaîne au bout de ton pied. Petit rhizomatia, petit, venu au monde avec sa tendance à teuter. Petit rhizomatia, petit, comment tu te rends compte, t'as une chaîne au bout de ton pied. Ah, mais comment, mais nous y a pas de problème, hein. On prend des enfants, on prend des adultes, et on dit aux démons qui est dans la tête, on leur dit, sors le démon, sors de l'école la tête, sors le démon du corps de la tête, sors.